Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le scandale d'Abu Ghraib. Yeah, I shared a deep disgust that those prisoners were treated the way they were treated. Their treatment does not reflect the nature of the American people. That's not the way we do things in America. Le président américain George W. Bush qui réagit le 30 avril 2004 à la publication quelques jours auparavant de photos de soldats américains humiliant et maltraitant des prisonniers irakiens à la prison d'Abu Ghraib dans la région de Bagdad. Le président Bush se dit dégoûté par le traitement qu'ont subi ces prisonniers tout en précisant qu'il n'y a absolument rien d'américain dans cette façon de faire. Aujourd'hui, le secrétaire d'État américain Colin Powell qualifie ces mauvais traitements d'actes méprisables. Le président Bush a tenu le même discours. Avec des preuves solides, des témoins oculaires, des photos, un vidéo, le rapport du général Taguba affirme qu'il y a eu des abus de nature criminelle, sadique et systématique à l'endroit des prisonniers irakiens. Certains ont été sodomisés avec des balais. On a même utilisé des chiens pour les menacer. Une des photos montre une chambre vide éclaboussée de sang. Après un interrogatoire qui aurait mal tourné, un prisonnier mort a été évacué de la prison dans un sac rempli de glace. On l'a fait passer pour un malade en le plaçant sur une civière avec un faux soluté. La journaliste Aline Gobeil, qui énumère en mai 2004 quelques exemples de mauvais traitements infligés à des prisonniers irakiens à la prison d'Abu Ghraib par des militaires américains. Les photos de ces soldats américains aux côtés de leurs victimes, au moment de leur humiliation et de leurs mauvais traitements, vont faire le tour du monde. Pour revenir sur ce sinistre épisode du scandale de la prison d'Abu Ghraib, la politologue Karine Prémont de l'Université de Sherbrooke, qui est également directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Ce scandale d'Abu Ghraib, Karine Prémont, ça va avoir vraiment un retentissement énorme aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde, d'autant plus que cette guerre-là en Irak n'était vraiment pas populaire à l'échelle internationale. Alors, on peut imaginer que quand on apprend qu'il y a eu mauvais traitement dans une prison irakienne, ben ça va susciter encore plus la colère et le ressentiment des gens à l'échelle mondiale. Mmh. Mais les Américains aussi sont vraiment insatisfaits, sont vraiment en colère de cette situation-là, parce que aussi, ça rappelle un peu les scandales du Vietnam, les mauvais traitements que les soldats infligeaient aux Vietnamiens. Donc, tout ça là va mettre en scène, si on veut, cette terrible situation la prison d'Abu Ghraib. Et des images très fortes. Hein? Je suis certain que certains auditeurs les ont encore en tête. Mm-hmm. En fait, on se fait photographier à côté de victimes qu'on humilie. C'est un peu comme si c'était un trophée de chasse. C'est ça qu'on nous montre, en fait. C'est un peu ça qu'on nous montre. On nous montre quelque vraiment... chose d'inhumain. C'est inhumain. Et la guerre au terrorisme, en fait... permet tous les abus, permet toutes les techniques d'une certaine façon. Et c'est un peu cette ligne de défense-là, de toute façon, qu'auront les soldats un peu plus tard quand ils seront accusés de torture et de mauvais traitement. Mais c'est cette idée de nous sommes les plus forts, voici nos trophées, nous avons vaincu, nous vaincrons la résistance de ce peuple-là par tous les moyens. Ouais. Bon, un mot quand même, on va revenir tout au cours de l'émission sur ce scandale d'Abu Ghraib, mais petit détour par l'histoire même de la prison, parce que c'est intéressant. C'est une prison qui elle-même a une longue histoire de violence. Oui. Ça commence quand l'histoire d'Abu Ghraib, la prison? La prison commence, en fait, elle est construite par les Britanniques dans les années 60, alors que l'Irak est encore un peu sous la domination de la Grande-Bretagne. Et lorsque Saddam Hussein va prendre le pouvoir en 1979, ils vont faire une prison politique. Alors, c'est un lieu où on va torturer, où on va exécuter les opposants du régime, essentiellement des Kurdes et des chiites, on peut l'imaginer. On ne connaît pas les chiffres exacts des prisonniers qui ont été incarcérés ou exécutés, mais Amnesty International parle de milliers et de milliers de prisonniers. On aura retrouvé d'ailleurs des fosses communes près de la prison quand les Américains sont arrivés. La prison va être abandonnée par les Irakiens, par le gouvernement irakien à l'automne 2002, parce que là, la pression commence à se faire sentir. On commence à penser qu'il y aura invasion américaine. Donc là, on fuit un peu ces lieux de torture. Mm-hmm. Et quand l'armée américaine va arriver, bien évidemment, elle va prendre le contrôle de cette prison-là. Elle va l'appeler le centre de détention centrale de Bagdad et va y détenir, bien sûr, des gens de la garde rapprochée de Saddam Hussein, mais aussi toute personne qu'elle soupçonnera de terrorisme, un peu comme on le faisait également à Guantanamo, à Cuba. Bon, alors revenons sur ce scandale. Quand et comment découvre-t-on? Ça va se faire en plusieurs temps, mais l'information, quand est-ce qu'on commence à comprendre ce qui se passe à Abu Ghraib? Dès l'été 2003. Dès l'été 2003, on a des organisations comme Amnesty International et la Croix-Rouge internationale qui commencent à parler de mauvais traitements que subissent certains prisonniers. On a des soupçons sur la façon dont les soldats américains travaillent dans cette prison-là. On ne connaît pas bien les procédures parce qu'on n'y a pas accès, puisque seulement l'armée américaine peut travailler et avoir accès à cette prison-là. Mais il faudra attendre un peu plus tard, à l'automne, quand c'est Associated Press qui va publier des reportages à l'automne 2003, concernant la mort d'un prisonnier dont on parlait précédemment, qui est sorti sur une civière là en étant un peu camouflé. Donc, mort d'un prisonnier. Et là, à ce moment-là, les rapports sur les mauvais traitements, voire même sur de la torture qui se produirait à Abu Ghraib, vont commencer à sortir dans la presse. Ce sera repris là en boucle par les médias par la suite. Mais le grand coup, médiatiquement, il arrive avec cette petite bombe lancée par l'émission 60 Minutes le 28 avril 2004. Cette photo montre un prisonnier de guerre irakien. L'armée américaine a confisqué une soixantaine de photos de prisonniers irakiens maltraités. Sur beaucoup d'entre elles, des soldats américains, hommes ou femmes, se moquent de ces prisonniers en posant à côté d'eux. Six de ces soldats ont été traduits en cour martiale. The result, six Americans are being court-martialed. Americans did this to an Iraqi prisoner. Des Américains ont demandé à ce prisonnier irakien, dont on avait recouvert la tête et dont les mains étaient attachées avec du fil, de se tenir debout sur une boîte. On lui a dit que s'il tombait, il serait électrocuté. C'est cette photo et des douzaines d'autres qui ont déclenché une enquête de l'armée américaine. Quand l'émission 60 Minutes publie ces fameuses photos de soldats américains qui maltraitent des prisonniers irakiens à Abu Ghraib, on a une petite idée de ce qu'on montre, Karine Prémont, avec ce qu'on vient d'entendre, c'est la commotion. C'est la commotion parce que les images sont extrêmement fortes, extrêmement dérangeantes, et il y en a plusieurs. Ces photos-là avaient préalablement été trouvées dans des ordinateurs par un soldat américain, Joseph Darby, en décembre 2003. Il les avait montrées à ses supérieurs, et c'est à ce moment qu'on avait déclenché une enquête au sein de l'armée américaine. Et Darby, trouvant que, bon, ça se passait pas très rapidement, le rapport avait été fait, mais bon, on voulait pas rendre les résultats de façon... on voulait pas rendre les résultats publics. Alors, les photos se sont rendues à CBS, qui a pu les diffuser à 60 Minutes. Et vous l'avez dit, ça a été exactement ça, une commotion. Les gens ont été complètement outrés de voir ces images. Parce qu'il y avait eu, bon, ce reportage d'Associated Press sur ce mort, mais vraiment, 60 Minutes, ce soir-là, c'est vraiment là où l'ensemble de l'auditoire, du public américain, découvre ce qui s'est passé à Abu Ghraib. Oui, ça prend des photos parce qu'on peut parler de mauvais traitements, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire spécialement dans un monde où les mauvais traitements affluent sur la scène internationale, où les choses sont généralement assez négatives? Ben, ça passe un peu dans le vide, mais à partir du moment où on a des photos, à partir du moment où on voit nos propres soldats commettre ce genre d'actes barbares, bien forcément, là, on ne peut plus ignorer le phénomène. Il faut se poser des questions. Et c'est là que la pression va commencer à se faire sentir sur l'administration de George W. Bush. Parce qu'évidemment, effectivement, c'est très, très embarrassant pour cette administration. C'est l'image des États-Unis, de l'administration américaine. C'est l'image de l'armée américaine qui est en cause. Ce qui fait que très, très tôt après l'éclatement du scandale, le secrétaire américain à la Défense, Donald Rumsfeld, va faire une visite éclair, visite surprise, à la prison d'Abu Ghraib. Extrait d'un reportage de Christine Saint-Pierre le 13 mai 2004. Pas de temps à perdre. À bord d'un véhicule militaire blindé, le secrétaire à la Défense est immédiatement rendu à la prison d'Abu Ghraib. Poignée de main chaleureuse, remerciements et bénédictions. In recent days, there's been a focus. Donald Rumsfeld met le paquet. Il lui faut à tout prix relever le moral des troupes. Un petit conseil, suivre son exemple et ne plus lire les journaux. It's a fact. I'm a survivor. Rumsfeld, qui en ce moment joue sa carrière politique, parle du coup dur infligé à ses soldats par la faute de quelques-uns. Ils ont trahi et souillé notre réputation, dit-il. A few who have betrayed our values and sullied the reputation. Alors, ce qu'on vient d'entendre, est-ce que ce sera ça la réponse de l'administration américaine dans son ensemble? Ce que Rumsfeld dit à ses soldats en Irak, c'est quelques pommes pourries dans le panier là, dont il est question, quelques soldats qui ont erré et qui salissent la réputation de toute une armée et de tout un pays. C'est ça la ligne de défense? C'est la ligne de défense de l'administration, c'est la ligne de défense de l'armée également. En même temps, c'est un peu difficile de croire cet argumentaire-là dans la mesure où les Américains, depuis très longtemps, mais en particulier depuis le 11 septembre, mettent de l'avant leur supériorité morale dans cette lutte contre le terrorisme. Alors, c'est pour ça que ces images-là sont dérangeantes à bien des égards, parce que c'est comme si les Américains, finalement, ne se comportaient pas de meilleure façon que les gens qui attaquaient des innocents. Et donc, parce que c'est un peu effectivement une guerre de civilisation. Exactement, c'est comme ça qu'on l'a présenté. Ouais, ouais, ouais. Et là, on se rend compte que, bon, ben la barbarie, elle n'est pas toujours là où on se l'imaginait au départ. Donc, Rumsfeld va dire, écoutez, c'est à atroce. George W. Bush va dire c'est atroce, mais tout ça, c'est une exception. Tout ça, c'est une goutte dans l'océan des bonnes choses que nous faisons en Irak. Est-ce qu'il y aura un prix à payer, par ailleurs, pour Rumsfeld, pour l'administration Bush, lié à ce scandale d'Abu Ghraib et à la réaction très forte que ça va susciter? Le prix à payer a été davantage dans l'appui l'appui à la guerre en Irak, parce que au début de l'intervention, il y a plus de 70% des Américains qui sont en faveur de cette guerre contre l'Irak. Mais à partir de ce moment où on révèle le scandale d'Abu Ghraib, à partir du moment où on commence également et ça survient presque simultanément, on connaît des difficultés sur le terrain. On se rend compte que ce sera pas aussi facile que ce qu'on avait imaginé, que ce qu'on nous avait dit. Donc le soutien à la guerre va décliner rapidement. Donc on passe d'à peu près 70% des Américains qui appuient la guerre à peu près 45% à l'automne 2004. Alors, le scandale a eu cet effet-là. Par contre, le prix politique n'a pas nécessairement été payé par les dirigeants, dans la mesure où George W. Bush, en novembre 2004, sera réélu à la présidence. Et le départ de Rumsfeld se fera beaucoup plus tard, en 2006. Évidemment, là, Rumsfeld et les autres architectes de la guerre en Irak vont tomber un peu en disgrâce au cours du deuxième mandat de Bush. On parle de Cheney, notamment, le vice-président, et Rumsfeld. Donc, ces gens-là seront un peu moins écoutés au sein de leur administration, jusqu'au départ, évidemment, de Rumsfeld en 2006. Mais c'est pas tant Abu Ghraib que toute la gestion de cette guerre en Irak qui va mener ces gens vers la sortie. Oui. De fait, Bush lui-même va reconnaître sur Abu Ghraib que ça a été une des pires erreurs de toute la guerre d'Irak. Il dira exactement ça. Ouais. Le scandale de la prison d'Abu Ghraib, c'est la pire erreur des Américains dans cette guerre en Irak. Il ne remettra jamais en question cette guerre-là, l'intervention elle-même, mais va dire... Abu Ghraib, c'était pas nécessaire. Bien sûr, c'était disgracieux et c'était pas digne, en fait, de ce que nous sommes. Image indigne, image choquante, mais au-delà de ces images, il y a peut-être pire encore, Karine Prémont. Ce que nous révèle cette affaire-là, c'est, au fond, c'est la manière dont les États-Unis, qui se targuent d'être une grande démocratie, vont avoir détourné le droit international. Exactement. Et on l'a vu à Abu Ghraib, mais on l'a aussi vu à Guantanamo, la prison américaine à Cuba. Les conventions de Genève qui protègent en particulier les prisonniers de guerre contre tout sévice de la part des gens qui les capturent, en fait, de l'ennemi qui les capture. Ces règles-là, ces conventions-là ont été largement détournées par les Américains. Notamment, on a décidé de parler de nos prisonniers de guerre, non pas comme des prisonniers de guerre, mais comme des combattants illégaux. Ça a l'air un peu anodin comme ça, mais le fait même de ne pas parler de prisonniers de guerre, mais ça fait en sorte qu'on n'est pas tenu d'appliquer les conventions parce que le terme de combattants illégaux tombe un peu dans un vide juridique. Donc, à ce moment-là, les règles, d'une certaine façon, ne s'appliquent plus. Et c'est pour ça qu'on a pu voir des prisonniers à la fois en Irak et à la fois à Cuba être emprisonnés sans procès, sans jugement pendant de très longues années. Il y a eu ces actes de torture à Abu Ghraib, mais aussi, on se rappelle, la fameuse technique de la simulation de la noyade à Guantanamo qui fera l'objet là, d'enquêtes subséquentes. Donc, autrement dit, on a décidé qu'on ne suivrait pas les règles internationales parce qu'on considérait que l'offense qui nous avait été faite, le tort qui nous avait été fait, justifiait d'une certaine façon de ne pas respecter les règles du jeu. Et tout ça, évidemment, est pensé. Là. C'est pas un hasard, c'est une stratégie qu'on met en place dans le cas de cette guerre. Mais c'était l'idée, en fait, d'obtenir des renseignements coûte que coûte de la part des gens que nous avions sous notre garde, justement pour poursuivre en justice, voire même exécuter les gens qui étaient responsables des attaques du 11 septembre, notamment. Bon, quelles leçons vont finalement être tirées du scandale d'Abu Ghraib? Qui surtout va payer, dans un premier temps, les horreurs perpétrées là-bas? On en parle dans un instant, Karine Prémont, mais d'abord, un petit rappel de ce que disait La conseillère à la sécurité nationale de George Bush, Condoleezza Rice, en est en mai 2004. I think the president expressed the view of all Americans, indeed. Quand le président dit avoir été outré, il parle au nom de tous les Américains. Mais je peux aussi vous dire qu'il l'a été personnellement. Le président a aussi prévenu le secrétaire à la Défense qu'il veut que les responsables de ce gâchis subissent les conséquences de leurs actes. Au final, Karine Prémont, qui sera tenue responsable pour ce scandale d'Abu Ghraib? Essentiellement, les soldats qu'on voit sur les photos, l'entourage de ces gens-là qui travaillaient à la prison en même temps qu'eux. On parle de 11 soldats américains qui ont été jugés et condamnés, qui provenaient presque tous du même régiment du Maryland. Une seule haut gradée a été condamnée, la générale Janice Karpinski. Elle a été rétrogradée, cependant, sans plus. Plusieurs soldats interrogés disaient qu'en fait, les ordres venaient du commandant même de la prison, le major général Jeffrey Miller. Il n'a pas été inquiété. Il faut dire que ce type était également chargé des interrogatoires à Guantanamo. Alors, on peut soupçonner qu'il avait une certaine façon de concevoir la cueillette d'informations dans les prisons qu'il avait, dont il avait la charge. On dit aussi dans la hiérarchie militaire, quand on a fait les enquêtes, on soupçonnait fortement que le major général Miller avait l'assentiment explicite de Rumsfeld, mais on n'a jamais pu évidemment retracer cette ligne de commandement, bien évidemment. Donc, ce sont les soldats qui ont payé le prix, en particulier la soldate Lindy Endlin, qui est peut-être la plus connue de ces tortionnaires, dans la mesure où elle était sur beaucoup de photos. Les gens se sont particulièrement indignés du fait qu'une femme fasse subir ces mauvais traitements-là. On a toujours cette image très maternelle et maternante des femmes, n'est-ce pas, même quand elles sont dans l'armée. Et ça avait particulièrement choqué les Américains. Mm-hmm. Et donc, elle a été fortement condamnée. Évidemment, la défense qu'elle a mis de l'avant, ce sera celle que les autres soldats vont mettre de l'avant également. Nous ne faisions qu'obéir aux ordres. Elle dira même, elle, qu'elle était encouragée, au fond, par ses supérieurs. Oui, parce qu'on voulait se servir ça comme opération psychologique. Vous savez que l'armée utilise souvent des techniques peu orthodoxes pour inciter les gens à parler ou pour empêcher des gens de commettre des crimes. Alors, elle, ce qu'elle disait, c'est nous étions encouragés à faire cela, à prendre des photos, parce qu'ensuite, on montrait ces photos-là à des prisonniers pour les faire parler, pour leur dire, ben voici ce qui vous attend si vous ne dénoncez pas vos camarades. Donc, ça faisait partie, selon elle, d'une technique d'opération psychologique normale, standard, si on veut, au sein de l'armée. Et cette défense-là sera reprise, évidemment, par les autres soldats qui, je le disais, vont faire le même plaidoyer pour leur défense avec plus ou moins de succès dans la mesure où la plupart d'entre eux vont être condamnés à différentes peines pour les actes qu'ils ont commis. Donc, même si techniquement, l'affaire d'Abu Ghraib vraiment met en évidence, enfin pose toute la question de la responsabilité, on va, dans les faits, très peu monter dans la hiérarchie. Oui, parce qu'on juge, bien évidemment, ça prend des preuves. C'est évident que Rumsfeld n'a pas signé lui-même de document attestant qu'il autorisait ces techniques de torture. Le rapport sur la torture paru en 2014 que le Sénat va faire va révéler l'ampleur de ces techniques d'interrogatoire musclées, va révéler aussi que c'était connu par les hauts dirigeants civils et militaires de l'armée, mais comme je le dis, on n'avait pas nécessairement de preuves pour remonter jusque-là. Et en même temps, on veut éviter de salir l'image de l'armée parce qu'on est encore en pleine guerre, on est encore, selon les Américains bien sûr, encore en train de pourchasser les gens qui nous ont attaqués. Alors, on veut surtout pas montrer de la dissension dans nos rangs, on veut surtout pas montrer que les dirigeants civils, en fait, doivent être tenus responsable de ce genre de geste-là, parce que sinon, c'est comme si on disait, c'est une pratique courante et nos dirigeants ne valent pas mieux que vous, d'une certaine façon. Vous parliez du rapport de 2014. Effectivement, ce rapport-là est assez vaste. Il touche, au fond, tout ce qui tourne autour des pratiques discutables, des pratiques de torture menées par ou pour les États-Unis après le 11 septembre 2001. Abu Ghraib, dans tout ça, quelle place occupe ce scandale d'Abu Ghraib dans ce rapport plus vaste sur le dossier noir, au fond, des Américains sur des questions de torture? Abu Ghraib n'est pas au centre de ce rapport-là parce qu'on avait déjà cette commission interne de l'armée. On avait déjà fait le tour de la question dans les commissions d'enquête sénatoriales, par exemple. Mais en même temps, c'est toujours là en filigrane parce que c'est un peu le début de la fin pour les techniques d'interrogatoire musclées. Abu Ghraib aussi a été abandonné par les Américains en cours de route, bien sûr, suite aux pressions internationales et pression de la politique, de l'opinion publique américaine, l'armée va finir par libérer un millier de prisonniers à l'été 2005, un peu plus à l'automne qui suit. Et on va la fermer, finalement, cette prison-là, du côté américain, en mars 2006, pour la transférer complètement sous contrôle irakien. Donc, c'est pour ça que cet épisode-là est peu présent dans le rapport, mais ça remet en question les techniques qui ont été utilisées. Mm-hmm. C'est surtout une liste de recommandations pour éviter que l'armée américaine ne soit encore éclaboussée par ce genre de situation. Alors, au final, Karine Prémont, avec un peu de recul, quelles leçons, est-ce qu'il y a des leçons et quelles leçons ont été tirées de ce scandale d'Abu Ghraib? Probablement que les leçons qui ont été tirées, autant par l'opinion publique que par le gouvernement américain, c'est peut-être essentiellement que les meilleurs renseignements qu'on peut obtenir ne sont pas nécessairement le fait de mauvais traitements. C'est-à-dire que pour pouvoir mener une guerre à la fois déclarée et à la fois un peu souterraine, ben ça prend l'appui de l'opinion publique et pour ça, il faut pas la choquer, il faut pas la brusquer. Et donc, il faut pas lui offrir d'occasion de se retourner contre nous. Donc, d'une part, et donc, pour obtenir des renseignements pour mener cette guerre au terrorisme ou toute autre guerre, mais on peut le faire de différentes façons. Et la preuve est probablement cette exécution d'Oussama Ben Laden. On a réussi à obtenir des informations, non pas par la torture, les meilleures informations, les meilleures pistes nous sont venues d'autres sources, d'autres méthodes. Alors, d'une part, essayer de ne pas se mettre à dos l'opinion publique et d'autre part, de mieux évaluer le potentiel des informations qu'on peut retirer de différentes méthodes d'interrogatoire. Et ça, ce sera d'ailleurs l'objet, ce que vous venez de dire, de campagne récente d'Amnesty International qui s'évertue à dire « la torture n'est pas efficace ». Vous parliez du Vietnam un peu plus tôt. Ce qui a choqué les Américains, c'est ces vieux souvenirs du Vietnam. Je dirais, en terminant cette émission, Karine Prémont, à l'échelle des traumatismes dans la psyché américaine, quelle place a Abu Ghraib et ces images qui sont sorties d'Abu Ghraib dans cet imaginaire collectif américain? Ça fait partie des grands scandales militaires, je vous dirais, aux côtés du scandale de Milley, par exemple, aux côtés d'autres scandales du Vietnam. En même temps, la guerre en Irak soulève aujourd'hui, comme la guerre du Vietnam à l'époque, un paquet d'interrogations sur qu'est-ce qu'on faisait là, qu'est-ce qu'on a réussi à obtenir, comment on peut faire pour ne pas reproduire cette catastrophe. Alors, ces scandales-là sont un peu noyés par les autres problèmes, les autres conséquences plus larges de ces guerres, notamment les crises économiques qui ont suivi, notamment la perte de crédibilité des États-Unis sur la scène internationale. Alors, ces guerres-là qu'on tente un peu d'enterrer, on essaie d'enterrer les scandales qui vont avec, évidemment. Karine Prémont, politologue à l'Université de Sherbrooke, directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Merci beaucoup, Karine. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Martin Vaillancourt. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.